Jean Giono, Le poids du ciel. Chapitre 1er, Danse des âmes modernes. Le ciel est couvert. Il n'y a plus dans le monde qu'un jour blême, pareil à celui qui descend des verrières en dents de scie des toits d'usine. Toute la matière terrestre tremble de peur. Il y a un grand silence fait de coups de canons et de grondements de machines, des bruits que le monde ne peut pas comprendre, ne peut pas entendre et qui composent pour le monde le silence total, le temps pendant lequel l'homme ne parle pas. Car dans un temps, la matière était habituée à la voix de l'homme. Elle l'entendait qui parlait vers elle avec ses cris naïfs du berger qui appelle ses moutons. Maintenant, il n'y a plus que ce silence de coups de canon et de bruits de machines. Le ciel déroule ses nuages sans forme. Il n'y a plus aucune qualité ni d'un côté ni de l'autre du ciel, mais seulement une uniformité vulgaire de lumière écrasée et salie, morte, qui ne fait pas d'ombre, qui sent la poussière. Les âmes couvrent le monde, là, sous cette lumière qui s'accroche à la plus petite croûte de leur mal, qui fait luire la plus petite goutte de pu, cette lumière écrasée et sale qui coule sur toutes les formes de ces âmes immobiles. C'est la danse. Sur toutes les formes extraordinaires de ces âmes, celles qui sont à forme de marteau-pilon, avec une odeur d'huile bouillant dans les coussinets d'acier, deux grosses jambes d'éléphantiasis, arquées et noires, un torse sans bras, pas de tête, la pourriture changée en métal, la bêtise puissante, ouvrière, nourrie d'ouvriers. Sous la lumière blême, les âmes à forme de pont volant, squelette métallique, cage thoracique de fer d'où pendent des chaînes, des crocs, des pinces, des entrailles de chaînes qui se déroulent avec le bruit du tonnerre, le sifflement de l'électricité dans les bogies, la puanteur de l'acier brûlant. Les âmes qui sont des fours Bessemer, des chariots, des Decauville, des hauts fourneaux, des grues métalliques, entassées au confluent des fleuves, dans la cuvette des plaines, dans des morvans, des mers polaires, des mers blanches, des Méditerranées, des Arabies, des Chines, des Amériques. Au croisement de toutes les nervures de ce réseau de fleuves, de rivières, de ruisseaux, de mers, d'océans et de détroits, ces âmes entassées avec leurs petites cheminées de métal noir, comme des chapeaux tromblons, et leurs longues cheminées de ciment armées, allongées dans des torsades de nervures, jusque dans les profondeurs du ciel, comme les piliers des ruines de Babel. L'entassement cocasse et sinistre de ces courroies, ces roues dentées, ces bielles, ces transmissions, ces cerveaux moteurs, ces tableaux de distribution paraissent à des hommes écorchés avec leurs fils rouges, bleus, violets, leurs câbles, leurs muscles, leurs excitateurs, leurs transformateurs, leurs poumons de grillage où souffle le halètement saharien des longues étincelles bleues. Ces âmes de métal, de ciment, de bruit et de vanité dont tout le tumulte est silence pour le monde. Ces interminables concasseurs d'hommes, ces productrices de tôles, de barres, de ponts, d'hélices, de fer, de fouets, de béquilles, ces génératrices de simili-vitesse, de simili-force, ces faiseurs de pauvres hochets dont le métal niellé de sang humain va finalement s'entasser en ferrailles inutiles dans d'autres confluents de routes, dans des banlieues de villes, à côté des champs d'épandage, contre des villas de retraités des chemins de fer. Inutiles ferrailles mortes qui laissent goutte à goutte suinter vers la terre le pauvre sang humain avec lequel elles ont été pétries, vaincues par les orties et les pâquerettes égarées. Pauvres objets sans divinité, moins humains que la première flûte de roseau du premier berger. La danse. C'était Le poids du ciel de Jean Giono, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.